rien de plus important d'avoir du monde sur qui se fier, sur qui tu peux compter. Confiance montée sans se méfier, le pire méfait, c'est de chier des mains d'un proche. Faire du mal dans le bac de pause, c'est le plus gros reproche. Toujours solidaire envers ceux qui restent, même quand y'a le fuck qui stresse, le fil de mon destin qui stresse, même quand les pires événements stressent. Je garde la même conscience, pas que les temps pressent. So je m'empresse de tirer les faits en clarté. Si tu restes toujours avec les tiens, pour les liens c'est clarté. Mon side à 100%, rester en décence envers ceux qui ne jamais te laissent descendre. Je reste un pur sang pour ceux qui restent, je suis toujours là. Pour les miens, je suis toujours là. Solidarité, garde les liens solides, glorifiés. Si tu manques de respect, tu seras horrifié, je suis toujours là. Solidaire envers ceux qui restent, le rien de plus important. Quand les coudes se serrent, les jobs se soulent sévères. Avec des partenaires, jamais se bouler, l'amitié se perd. L'emporte les gens qui ensemble se soutiennent. Et bien souvent les souvenirs ensemble se souviennent. Quand les coudes se serrent, les jobs se soulent sévères. Avec des partenaires, jamais se bouler, l'amitié se perd. L'emporte les gens qui ensemble se soutiennent. Et bien souvent les souvenirs ensemble se souviennent. Union pas l'expansion, nos rhymes nous les passons. Union en solidarité avec les boys saignés. Toujours prêt à collaborer, mais que jamais ne sera trop borné. Toujours prêt à coopérer, à recorder. On veut les amuser, ce beat en fraternise. Avec nos chums, mieux on s'en tire. Ouais, on s'en partir à la dérive, on y arrivait. Mais grâce au sac de fierté, composé certains. En solidarité, il faut en sorte ma vie, je m'en tire bien. Je me souviens de rien, enfin de rien plus que mes biens présents. Je choque grâce à cette solidarité. Ma vie, elle se sent blessée. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. Je suis tant de fois qui ont vu en moi la force de percer. Ma vie, à vous, je dois la léguer. Quand les coudes se serrent, les chums se soulent sévères. Avec des partenaires, jamais se brûler, l'amitié se perd. L'emporte des gens qui ensemble se soutiennent. Et bien souvent les souvenirs ensemble se souviennent. Quand les coudes se serrent, les chums se soulent sévères. Avec des partenaires, jamais se brûler, l'amitié se perd. L'emporte des gens qui ensemble se soutiennent. Et bien souvent les souvenirs ensemble se souviennent. Quand les coudes se serrent, les chums se soulent sévères. Avec des partenaires, jamais se brûler, l'amitié se perd. L'emporte des gens qui ensemble se soutiennent. Et bien souvent les souvenirs ensemble se souviennent. Quand les coudes se serrent, les chums se soulent sévères. Avec des partenaires, jamais se brûler, l'amitié se perd. L'emporte des gens qui ensemble se soutiennent. Et bien souvent les souvenirs ensemble se souviennent.